J'attends ton murmure, quelques notes, une demi-mesure là-haut dans le ciel azur. Des envolées futures, j'attends ton murmure, quelques notes, une demi-mesure là-haut dans le ciel azur. Des envolées futures, ce don veine pure, cool rôle me rassure, pense les blessures depuis leur ombre azur. Cheveux au vent et fière allure, une trépidante aventure, en rose et vert, coup de peinture, une semaine de cure. J'attends ton murmure, quelques notes, une demi-mesure là-haut dans le ciel azur. Des envolées futures, j'attends ton murmure, quelques notes, une demi-mesure là-haut dans le ciel azur. Des envolées futures. Ces baisers qui s'enfurent, papillonnent clairs obscurs sur mon plafond en moulure, oiseaux de bon augure, sauvages et juteuses mûres de cette ronce en armure. C'est mon amour qui jure ton sourire en luminure. J'attends ton murmure, quelques notes, une demi-mesure là-haut dans le ciel azur. Des envolées futures, j'attends ton murmure, quelques notes, une demi-mesure là-haut dans le ciel azur. Des envolées futures. Sauvages et juteuses mûres de cette ronce en armure. C'est mon amour qui jure ton sourire en lumineux. Une autre chanson de Christine.